Chapitre 29. Mademoiselle Norette n'est plus la même. J'aurais peine à reconnaître, quand elle passe me souriant, volontaire et vive, la demi-paysanne dont l'inconsciente timidité se déguisait de brusquerie. Désormais, Mademoiselle Norette ignore la timidité. Mademoiselle Norette est confiante, quoiqu'on ait négligé de faire Monsieur Honorat le confident de nos amours. Et nous serions époux depuis 2 ans, qu'elle n'agirait pas d'autre sorte. Ce matin, Mademoiselle Norette m'a dit « Vos fleurs sont belles, je les aime, mais j'en sais de plus belles que les vôtres. »« Plus belles ? Les fleurs de la reine, vos fleurs ne sont que fleurs de montagne. » Les miennes viennent du jardin féerique qu'une princesse venue d'Orient avait autour de son château. Aux veillées d'hiver, où un galet sur les genoux, un autre galet servant de marteau, les filles en chantant cassent l'amande amère. Vous pourriez entendre raconter à ce propos par les paysans braconniers et les paysannes ramasseuses de litières et de feuilles mortes. Des choses tout à fait surprenante. Du jardin redevenu lande, du logis admirable autrefois, on ne voit plus qu'un grand rempart noir, et ça et là, des pierres tombées. Mais aussitôt les beaux jours venus, sous le vieux rempart, entre les vieilles pierres, poussent des fleurs comme personne n'en a vu à coup sûr, descendantes de celles qu'avait la reine en son jardin. Et dans là-haut, tout près du ciel, la race s'est perpétuée. Et c'est bien haut, là-haut, près du ciel ? Très haut, reprit Norette en souriant. Plus haut encore que le rocher de la chèvre. Mais où ne monterait-on pas pour trouver ce parterre des mille et une nuits ? Ces fleurs de la reine, variées, innombrables, couleurs de ciel et de rosée. Des fleurs qui n'ont rien de terrestre et qui ne ressemblent pas plus aux grossières fleurs écloses dans nos vallons que Mademoiselle Norette ne ressemble. Sans doute, répondit Norette, c'est pourquoi ce soir nous irons. Mais Gantôme nous accompagnera. Pourquoi Gantôme? Préféreriez-vous Saladine? 3 heures. La chaleur commence à tomber. C'est le moment de se mettre en route. Mise et Jeannot, heureuse d'être libre, nous précède. Gantôme, un peu mélancolique, porte le panier aux provisions. Mademoiselle Norette se signe en passant devant le cimetière où dorment les deux qui sont morts. On laisse à gauche l'ermitage, le roc de la chèvre, au pied duquel je reconnais de loin la haute taille de Peuparle. Et nous voilà en pleine montagne. À droite, à gauche, des rochers gris-bleus où, çà et là, l'arrachement de blocs éboulés laisse de larges taches blanches que les immortelles sauvages brodent de leur feuillage d'argent pâle et de leurs rigides grappes d'or. Au pied des rochers, ce sont de grands chardons pareil à des acanthes, des genévriers aux baies violettes, des caroubiers bossus décorant de leur sombre verdure de gousses luisantes comme vernissées et des pins dont les branches basses, tranchées par la hache, pleurent des larmes d'ambre au soleil. Sur tout cela, dans la pénétrante odeur des romarins et des lavandes, un grand silence, à peine troublé, par quelques chants d'oiseaux, grêles et fins, en harmonie avec le paysage, et le bruit d'innombrables limaçons vides qui, jonchant le sentier, s'écrasent et craquent sous nos pas. Gantôme et Mise et Jeannot sont devant. Nous marchons côte à côte avec Norette, la main dans la main, sans rien nous dire. Parfois nous retournant, éblouis de lumière, entre les troncs lisses des pins, par-delà les pentes brûlées, nous voyons le bleu de la mer. voici arrivés. Goûtons d'abord, s'écrie Norette. Quand on déballe les provisions, on s'installe sur l'herbe fine. Et pendant quelques instants, un appétit noblement gagné par cette pittoresque mais rude montée nous fait oublier nos soucis d'amour. Maintenant, pendant que je vais cueillir mes fleurs, libre à vous de contempler le paysage. Et Norette éclate de rire, toujours charmante et malicieuse. Je relève la tête, mais le paysage a disparu. Un brouillard taquin, comme à cette saison, il en rampe au flanc des montagnes, nous a sournoisement enveloppés. Un gentil brouillard, certes, vrai brouillard de Provence, blanc, clair, léger comme une gaze, et tout pénétré de rayons. Arrivant sur nous, par petits nuages pressés, il n'en cache pas moins l'étendue. Et d'en bas, tout près, le vent nous apporte les cocoricots des coques dans les fermes. Le bruit continue des flots. C'est gentil de se savoir seul. En effet, la brume gagnant peu à peu, nous voilà maintenant noyés dans une atmosphère de nacre et d'eau pâle, lumineuse pourtant, où Norette apparaît grandie, comme transfigurée, et sur laquelle, visible à deux pas de nous, se découpe avec une singulière vigueur quelques tiges de graminées et la silhouette d'un figuier enraciné au rebord du précipice. Tout à coup, Norette s'agenouille près du figuier. Elle se penche, elle m'appelle. J'arrive à temps pour la relever, un instant dans mes bras, riante et frémissante. « Ah, Gantôme, que j'ai eu peur !» Heureuse d'avoir été secourue par moi, effrayée encore du léger péril, et ne sachant comment exprimer cette émotion complexe, bravement, follement, n'écoutant que son cœur, elle embrasse Monsieur Gantôme. Et ce baiser, en contentant Norette, fit encore deux heureux par surcroît. Gantôme, qui l'avait reçu, et moi, qui me le savais, indirectement, destiné.